temps venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Lisette Oshiro. 3, 2, 1. La même A présente. Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Tokyo Mental. Hi. Tare. Bienvenue au Dunote, il est 21h, je suis le narrateur et vous écoutez la 36e heure de Tokyo Mental. Vous nous écoutez sur Radio Pulsar 95.9 MHz à Poitiers et ses alentours et en streaming mondial sur radio-pulsar.org. Minasan, konnichiwa, narata des, Tokyo Mental e yokoso. Depuis quelques émissions, la programmation exclusivement japonaise de Tokyo Mental à ses débuts s'ouvre à d'autres cultures asiatiques. L'Asie concentre plus de la moitié de l'humanité et si le Japon y a une place centrale, notamment parce qu'il y est la plus grosse puissance technique et économique, ce n'est qu'une culture parmi une multitude d'autres. Si des gens se posent sérieusement la question de savoir où se joue l'avenir de l'humanité pour les prochaines décennies et même les prochains siècles, la réponse est l'Asie et l'Afrique. Au gré de mes voyages en sérendipité sur le web, je tombe sur des artistes de toute l'Asie. Des Coréens du Sud, comme Soyeon, J-Hope, BTS, Yaeji ou NewJeans. Des artistes thaïlandais comme Pepe Krit et indiens comme Tal Winder. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Indonésie, au travers d'une spécificité toute japonaise, les VTubers, de venir dans la programmation de Tokyo Mental. Les VTubers pour Virtual YouTubers ou Virtual Streamers sont des créateurs et des créatrices de contenu qui s'expriment au travers d'avatars 2D ou 3D inspirés des animés qu'ils contrôlent avec des logiciels de capture de mouvement en temps réel. Ils peuvent proposer des contenus enregistrés, mais aussi des lives et interagir avec leur communauté au travers des réseaux sociaux. Parmi les contenus qu'ils proposent, il y a une place importante pour les covers, ces reprises de tubes du moment, ainsi que des chansons originales. Les covers sont une autre spécificité japonaise et il m'arrive d'en passer dans l'émission parce que certaines sont meilleures que les originaux. La première VTubeuse japonaise dont j'ai diffusé un titre sur Tokyo Mental a été Hoshimachi Suitsé avec son titre Stellar Stellar. Les VTubeurs sont souvent réunis au sein d'agences comme Hololive ou Nijizanji, pour les plus connus, agences qui contribuent à SME en Asie, notamment en Corée du Sud, en Chine, en Inde et en Indonésie. Il existe aussi des VTubeurs indépendants, anglophones et francophones. C'est un phénomène qui a explosé pendant l'épidémie de Covid. Cette semaine, pour la première fois, donc l'Indonésie fait irruption dans Tokyo Mental au travers d'une chanson originale interprétée par la VTubeuse Kobo Kanaeru avec son titre Oha Smara. À propos d'interaction justement au Yonote, vous pouvez interagir avec Tokyo Mental en temps réel via son compte Mastodon à l'adresse social.vivaldi.net/ramenup. R-A-M-E-N-U-P. J'y publie en temps réel les noms des artistes et des morceaux diffusés dans l'émission ainsi que des liens vers les vidéos correspondantes. Donc n'hésitez pas, venez faire un tour, vous pourrez même interagir avec moi directement. Nous sommes les faiseurs et faiseuses de musique et nous sommes les rêveurs et rêveuses du rêve. Et ceci est notre émission. Et tout de suite, Kobo Kanaeru o Hasmara. Bonne émission à toutes et à tous. Tokyo Mental. The big party cool. Saat aromamu lewati hidungku, melotot mataku. Melihatmu lewat di depanku. Seorang biasa saja, apa pantas untuk bersanding? Overthinking, tapi gak mau ambil masih tak berhasil mendekatimu. Cintamu. 無理して笑ってる。もう一人の自分を今は抱きしめてあげたい。例えば大好きな人取り上げる薬、お前のためだとかうるさいし分かったふり。殴り合ったダイバー、理性のない会話、震えてた手のひら、帰れば頭も抱える。夜は長すぎる潮浜の陸橋、煙を吸い込む。落ちたっていいからまた煙を吸い込んで。許そうと近づいては差し伸べた手を払うような目、夢が覚めるいつもここで。じゃあどうすればいいか、そんなのは聞いてね。周りがよく見える複数の声、俺もその一人だから曲を作る。そう決めた2つのトラック、みんな等しくはないが意識残す。回る岩の上、綺麗事を抜けば残るのは生と死だけ。支え合ってたはずなのに傷つくのはなぜ。 I know なぜ。 もっと遠くに行こう、誰が言い訳じゃないけど、まるで限りなく失速なブルーピン。 One more step step the clever Never ever なぜの前か Do the better 本音ならふざけんな、誰のための変身な永遠。 なんか重すぎた たねどうでもいい忘れたいことと real 勝利思いたいのはエゴどうしたって勝手何を分かってる悩ましいが初代それでも空は流れる音は逆さま I accept you sometime 顔はバラバラ場面の愛画面の上も無表情にスライド何がプライ分かり合えても辛いそれも日々俺が気中心をスピン I got it new jeansそれで遠くまで行こう OMSP 上がってんの分かります飾らないで太ったいそうでありたいとやっぱり思った今日帰り道の揺れる地下鉄不完全な円の中音が漏れた一人が抜け出すこのサイクル重なるライト支え合うも無情心と心いつもそう Leave my life これからは この胸にある飾りではない超えては上がるベースと俺だけが空間に残された今は屋上煙は向こうフリースタイルは思考この曲の終わりにはあいつに電話しよう一人笑う道バタ振り向いた都会漂う たような君もそう思ってるだろう東京 Sunshine, you talk about sunshine. I feel like a morning. I think I need a bonita. Umi no ue koete. Koko wa dai Tokyo, the dance movie. Yeah, everybody honky. Umi koete ke senli. Ima wa imi wanai, yeah. Tuki no lani hai, yeah. He's on my guitar, the one. Sa break it Tu m'as lâché n'ai non sa falsette T'as comme mes mains to la take you baby You look at night Kono kimochi wa daite Sa tai tai My name in a kono hoshite Asa seni sunset Natsu no season ni bula sa gari your love, your love Give me some more Now we got love on me and Maria She like a mocha to fu winter sun Asa ne wa namo no kola nai Sonna kanke ne wa nale nai Stage you on it, all alone. Dada demo, equal a homie. As I mean, when you try something, me and I haunted. Mana need to it's like a letter, all if wanted. Ooh, nah, nah, ima da ke sebe te wa sere. Ooh, nah, nah, anata no soba ni taize. Utau way, it's so good. Utau way to blue. Nah, nah, ima da ke sebe te wa sere. Ooh, nah, nah, anata no soba ni taize. Utau way.

바로네. 絞り出せ表現より自然がいいもう怒ら 東京 なんだよ メンタル。 るくなる、ひまわり気まわし in the arcade は仕上がり感じに回りましか、ボジャパプリカ卵 in the curry、 アフリカのバナナうまかった、光染め何それ地表系、うまい落としどころを言い訳、相変わらず悪い聞き分け、うなだれながらも今日知ったっけ、無駄にするなよ秀夫の努力、いつか狙いは雪地こえる、うん、無駄にするなよ秀夫の努力、いつか狙いは雪地こえる、うん、 そしておやすみ。 We'll be right back. 準備はいい？行きますか？毎晩燃えてる世界まで炎上してんでしょ？乾燥しちゃわないように青々とした雪とトンチを声が届いてほしいんです。そうたった一人あなたへは聞こえているんでしょう。きっと思い出してしまう、喧騒を引っ返してしまう。ねえ、外れ当てたいです。今どこですか？無事でいますか？もう大丈夫ですか？愛を覚えましたか？解きたい問題いつだって Oh, it's なんだろうか大人って。またくましくもなるだろう。しかし繊細さがだんだん増してってしまう。しょっちゅう傷ついてしまう。ねえ、幼い売れたいです。誰かいい人が共にいますか？もう大丈夫ですか？愛は与えましたが聞けない命題いつだって確信飛ぶ続きと自負するあなた。 Merci d'être passé par là et d'être resté avec moi pendant cette petite heure. Tokyo Mental se termine dans 3 minutes. On va se terminer sur Maya Sakamoto. Tokyo Mental revient la semaine prochaine, vendredi, de 21h à 22h. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. A plus! Oh,